Chapitre 25e, la catastrophe. Le lendemain matin, à 5h, le baron attela lui-même sa voiture et quittait furtivement le château des Abîmes avec Madame de Vallombreuse. Assis côte à côte, ils étaient silencieux. La route qui conduit à Lovany, où sont les gorges du Fier, est des plus pittoresques. À la gare de Lovany, ils prirent un petit sentier, côtoyèrent pendant 500 mètres environ la voie ferrée, et arrivèrent à la Léombreuse, au-dessous de laquelle le fier bondit et mugit au milieu d'énormes blocs de rochers qu'entourent à droite et à gauche des arbres centenaires et des prairies verdoyantes, enfin tout un paysage alpestre. À quelques pas de là, son lit se rétrécit tout à coup, et ses eaux bouillonnantes se précipitent par une sorte de goulot qu'elles ont creusé dans le roc. Un peu plus loin, les rochers se resserrent encore, et l'on aperçoit une fissure étroite et sombre coupant dans toute sa hauteur cette muraille rocheuse qui semble fermer toute issue au torrent. En cet endroit, on a construit sur des poutres de sapin un chalet élégant où viennent déjeuner ou dîner les touristes. Ce chalet, pour ainsi dire, suspendu dans l'air, au-dessus de l'abîme, et lorsque les poutrelles qui lui servent de base sont battues par les eaux grossies du fier, il vacille, chancelle, et l'on croirait à chaque secousse reçue qu'il va être emporté comme un brin de paille. Mais sa construction, malgré sa légèreté apparente, est solide, et jusqu'à ce jour, il a tenu bravement tête aux crues les plus fortes. Ce fut à ce chalet qu'arrivèrent à 6h du matin la duchesse de Vallombreuse et monsieur de Lavernay. Sur la demande du baron, le maître du chalet lui remit 2 billets. Le gardien ouvrit la porte de fer de la galerie suspendue sur l'abîme et se disposa à les accompagner. Le vieux gentilhomme avait prévu cette circonstance. À tout prix, il fallait se débarrasser de ce cicérone incommode, et ce fut chose facile. « Inutile de venir avec nous, mon brave, » dit-il au gardien en lui glissant une pièce de 20 francs dans la main. « Madame me fera croquer des gorges du fier, et elle désire être seule. »« Qu'à cela ne tienne, » répondit le bonhomme en serrant la pièce d'or dans son gousset. « Voici la porte ouverte. Entrez, personne ne dérangera madame. » car le train qui amène les voyageurs n'arrivera pas avant 1/2 heure. Cela dit, le gardien referma la porte. Madame de Vallombreuse et monsieur de Lavernay étaient les maîtres du terrain. La galerie qui tourne et contourne les gorges est peut-être le travail le plus hardi qu'ait exécuté la main de l'homme, et lorsqu'on se trouve sur le balcon jeté au-dessus du vide, à une hauteur qui donne le vertige, on se demande en frissonnant quels ouvriers ont été assez audacieux pour la construire. Quand on a laissé derrière soi la partie de la galerie qui regarde le chalet et qu'on atteint la gorge souterraine qui éclaire faiblement la lumière verdâtre tamisée par la végétation des arbres qui ont poussé dans les fissures des rochers, alors, de chaque côté, la roche se dresse et des blocs énormes de granit se penchent sur le gouffre au fond duquel le torrent furieux se tord et écume. C'est horriblement beau. Le point le plus remarquable de ce souterrain est celui qu'on nomme le dôme. Les rocs, en cet endroit, s'écartent légèrement et s'arrondissent par le haut, en forme de voûte, et lorsqu'on lève les yeux, on aperçoit le petit pont qui réunit les 2 rives du fier. C'était sur ce point que M. de Lavernay était passé pendant la nuit pour aller scier 2 des consoles de la galerie suspendue. La duchesse, froide et résolue, s'avançait en s'appuyant sur le bras du baron. « Avez-vous bien pris toutes vos mesures ?» lui dit-elle. Dès que nous aurons posé le pied sur la partie de la galerie que j'ai choisie pour l'accomplissement de notre projet, répondit le vieux gentilhomme, les barreaux tomberont, les planches qu'ils soutenaient, n'ayant plus d'appui, s'effondreront et nous serons précipités dans l'abîme. En sommes-nous encore loin ? Reprit Madame de Vallombreuse. Nous serons arrivés quand nous aurons tourné ce rocher que vous voyez. Le moment est venu alors, baron, de faire notre acte de contrition et de demander ensuite à Dieu qu'il nous pardonne nos crimes. La duchesse, après avoir dit ces mots, s'agenouilla. Pâle comme la mort, mais mortifié par l'exemple, M. de Lavernay s'agenouilla à côté de la grande dame repentante. « Je ne me rappelle plus bien mes prières, » lui dit-il. « Répétez ce que je vais dire, » repartit la duchesse. Elle joignit les mains et adressa à voix haute à Dieu une prière fervente que par moments venait couvrir la voix mugissante du torrent. À genoux près d'elle et comme elle, les mains jointes, le baron répéta avec un profond sentiment de repentir les paroles qu'elle prononçait. « Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, » dit Madame de Vallombreuse en terminant. Pardonnez-nous nos crimes, à moitié expiés en ce monde par nos remords, et pardonnez-nous de devancer, dans l'intérêt de nos chers enfants, par une mort volontaire, la justice des hommes. Ensuite, elle se leva, et étreignant la main de monsieur de La Vernay. Venez, lui dit-elle d'une voix énergique. Allons, répondit le baron. Et ils se remirent en marche. En ce moment, des touristes, précédés du gardien, parurent à l'entrée du souterrain. Déjà, il ne se trouvait plus qu'à une trentaine de pas de madame de Valambreuse et de monsieur de La Vernay, lorsque tout à coup, un bruit terrible domina les mugissements du fier. La partie de la galerie sur laquelle la duchesse et le baron avaient posé les pieds venait de s'effondrer sous eux et de disparaître dans l'abîme. De toutes les poitrines s'échappa un cri d'horreur. Le gardien accourut. Il était trop tard. Le baron et la duchesse avaient été engloutis. L'alarme fut aussitôt donnée. Des barques furent mises à l'eau, et après de longs efforts, on parvint à arracher au flot grondant du fier le cadavre de madame de Valambreuse. Le torrent avait emporté au loin le corps de monsieur de La Vernay.